Deuxième partie, chapitre 1. C'est ainsi que je quittai le pays. Et ainsi commencèrent 7 nouvelles années de ma vie, que je passai toutes les 7 à l'étranger. Quand je fais le total de ce qui m'en reste, je vois que ce n'est presque rien. On a vécu, voilà tout. Il y a des gens qui vont dans la vie avec assurance, comme les bergers de la Bible, quand l'étoile brillait au ciel. Pas un de leurs gestes qui ne soit fait à bon escient, pas une de leurs paroles qui ne porte. Ils ont mesuré d'avance le chemin qu'ils ont à parcourir. Ils en ont d'avance compté les étapes. Mais c'est des gens qu'on trouve seulement dans les livres, parce qu'il faut bien flatter le lecteur. Il faut qu'il comprenne tout de suite à qui il a affaire et quelle espèce d'homme c'est. Il s'agit que les événements dans les livres soient comme des chemins qui se coupent à un endroit donné. Il y a des carrefours où tout le monde se retrouve. Il s'agit que vous vous attendiez aux choses qui vont arriver, sans quoi vous vous sentiriez perdu. Moi, je n'ai pas su où j'allais. Les choses venaient comme elles voulaient, non pas comme j'aurais voulu qu'elles viennent. On a besoin d'abord de pain, c'est seulement à quoi on pense. Et le temps s'en va heure à heure, jour après jour, semaine après semaine. On va toujours, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait jamais, nous autres? On est pour les gens ce qui passe, on n'a point de parents ni d'amis parmi eux, qu'on soit gai ou bien qu'on soit triste, ils ne s'en doutent même pas. Alors on se débat, c'est tout ce qu'on peut faire. On en était resté quand il m'avait fait monter dans la barque. L'œil crevé était à côté de moi, on voit la rive s'éloigner, le père Pinget et son aide deviennent tout petits, la maison à son tour devient toute petite. Il y avait autour de nous une eau profonde et bleue, avec des vagues courtes qui se contrariaient. On ne sentait pas la bise, parce que nous étions dedans. Mais la voile était gonflée et la barque penchait fortement. On n'en avançait pas moins vite. De temps en temps, Joseph tirait sur l'écoute et se renversant en arrière faisait tourner le balancier. Alors il y avait un peu de flottement dans la voile. Brusquement, l'enflure changeait de face et on s'apercevait qu'on était reparti dans une autre direction. Il s'y connaissait à la manœuvre, ce Joseph, et l'œil crevé et moi n'avions pas autre chose à faire qu'à baisser par moments la tête pour laisser passer le balancier. Tout à coup, l'œil crevé me pousse du coude. « Alors, me dit-il, ça ne va toujours pas ?» Il me montre la bouteille de gouttes, il faudra bien que ça finisse par aller. Il se met à boire au goulot, il passe la bouteille à Joseph, qui boit lui aussi, puis qui me l'attend. Et l'autre, alors, c'est ton tour. J'avais l'estomac vide, ce qui est une explication. Tu vois, reprend-il, c'est pas difficile. J'ai bien vu que tu avais des ennuis. Il n'y a qu'à les noyer. Je ne sais pas pourquoi, mais déjà il me semblait que la couleur des choses avait changé et la couleur de mes idées. Il y avait sous moi le balancement de la quille, ce mouvement de haut en bas continuel des vagues qu'elle coupait en deux, qui était comme un bercement. Et je ne m'attendais pas à faire si bon voyage. Ça y est, continuait Cyprien, il reprend vie. Il me regardait d'une drôle de manière avec le seul œil qu'il avait de bon, l'autre n'étant plus qu'une espèce de grumeau sec, entre les paupières presque rejointes. Peu à peu, la rive était devenue une mince ligne gris-vert, où les peupliers dans l'air transparent avaient l'air de fumée qui serait montée toute droite, et en même temps que la rive, mon passé s'éloignait de moi. Je me disais, tu es libre. La bouteille me revint. Tu vois, me disait l'homme, tu vois bien que j'avais raison. Je ne te demande pas ce qui t'est arrivé. C'est des choses qui te regardent. Mais bien sûr que tu t'es encore tracassé pour des filles. Alors vois-tu, ça n'en vaut pas la peine. Dis-toi bien qu'il y en a des centaines et des centaines comme toi. Moi aussi, dans le temps. Et je me suis fait, moi aussi, bien du mauvais sang pour elles. Eh bien, vois-tu, ça a passé. Je suis nettoyé de tout ça. Joseph hochait la tête en larguant son écoute, et docilement la barque virait. Moi, je pensais, comme nous sommes drôlement faits. Nous virons encore plus facilement que les barques. Il n'y a même pas besoin de lâcher l'écoute, il n'y a besoin que d'un coup de vent. Pour la quatrième fois, la bouteille me revenait. De plus en plus, le soleil était monté dans le ciel. Soudain, me retournant, j'aperçus le château de Thonon, à pas 300 mètres de nous. C'était une grosse maison carrée, avec des murs autrefois passés à la chaux, mais noircis par le temps, tout tachés d'humidité. Droit derrière, la pente montait raide, découpant à son sommet une longue rangée de toits. Il y a un seau entre la ville et le rivage, C'est un talus pierreux, rocailleux, avec des buissons, autant du moins que je me le rappelle. Et curieusement, des yeux, j'allais à ces choses nouvelles, à ce pays nouveau pour moi. Il faut bien que je le dise, nous passâmes le reste de la journée à boire, l'œil crevé et moi. Joseph ne nous avait pas tenu longtemps compagnie, il était marié et pressé de rentrer chez lui. Mais nous deux, nous n'avions personne. Vers le soir, l'œil crevé s'était mis à chanter. Je me souviens encore du titre de la chanson. Il est vrai que c'est une chanson qu'on chante partout en Savoie. Elle s'appelait « La belle Eugénie ». Accoudé sur la table, il chantait sans me regarder. Comme la chanson avait au moins 20 couplets, j'avais fini par connaître la mélodie. Et je m'étais mise à chanter aussi. Mais dès le lendemain, je dus recommencer à chercher de l'ouvrage. J'en trouvai enfin chez un tonnelier qui était établi près d'une place ombragée de grands arbres, où les messieurs et les dames de la ville se promenaient le soir. J'avais eu la franchise de lui dire que je ne savais pas le métier. « Vous vous y mettrez, » me répondit-il. En effet, je m'y mis, et plus vite que je n'aurais cru. J'étais assez adroit. Nous allumions un feu de copeaux dans le fond de la futaille, et le bois s'étant assoupli par l'effet de la chaleur, nous tapions à grands coups de maillet sur les cercles. Mais, la vendange une fois faite, le tonnelier n'eut plus besoin de moi. Je me remis donc à faire des places. Pendant les 4 ans que j'ai passés en Savoie, j'ai habité, je crois, tous les villages qu'il y a au bord du lac, entre Thonon et le canton de Genève. On me regardait avec curiosité quand on savait d'où je venais, parce que c'est bien plutôt les Savoyards qui viennent travailler chez nous et gagner de l'argent chez nous que nous chez eux. Il est même étonnant de voir combien nous nous connaissons mal, les Savoyards et nous, bien que nous soyons voisins. Rien que le lac à traverser, et aujourd'hui, avec les moyens de transport qu'on a à sa disposition, c'est l'affaire d'une demi-heure. Mais il y a quelque chose qui nous sépare, bien plus et mieux que la distance. Je veux dire, la religion. C'est aussi qu'ils sont plus pauvres que nous, et chez nous, on n'aime pas les pauvres. C'est qu'ils sont restés plus en arrière dans le progrès, et chez nous, on aime un peu trop le progrès. Quand un vigneron de la côte voit la vigne grimper chez eux à des troncs de châtaigniers secs, qu'est-ce que vous voulez? Il hausse les épaules parce que la sienne est chaque année taillée à ras de souche, et sitôt qu'elle a poussé, on l'attache aux échalas. Moi-même, j'étais frappé de voir dans les villages la quantité de maisons inhabitées ou en ruine qu'il y avait. Moi qui étais habitué aux grandes fermes de chez nous, j'étais surpris dans les commencements de la petitesse des maisons de là-bas. Il n'y avait plus ces hautes portes rondes, faites pour laisser passer des chars de foin tout entiers, et la campagne aussi m'étonnait, parce que par endroits elle était inculte, et toutes sortes de ronces et de mauvaises herbes y poussaient. Je me suis pourtant affectionné à ce pays de Savoie. Encore maintenant j'y pense volontiers. 4 ans je l'ai couru, allant et venant par les routes. Autour de moi la vie des villages se faisait. Une vieille femme à bonnet rond était assise devant sa porte, en train d'écosser des pois. Des hommes revenaient des champs, le fossoir sur l'épaule. Le vannier passait, avec tout un empilement de corbeilles et de paniers sur son dos. Une femme, penchée sur une citerne dont elle venait d'ôter le couvercle, plongeait son seau dans l'eau noire. Des petites filles pleuraient, les maisons fumaient leur fumée, ou bien c'étaient 4 grands bœufs, accouplés sous le joug, qui montaient lentement la pente d'un champ. Je souffrais moins. C'est que je voyais les choses de près, et je m'apercevais que si loin qu'on aille, et où qu'on aille, partout on souffre et on se plaint. Il y a eu toutes mes places. J'étais chez un homme qui avait perdu la même année sa femme et ses 2 enfants. Un autre, pendant que j'étais chez lui, sa maison brûla, et comme il n'avait pas de quoi la reconstruire, il dut louer son bien et s'en aller, comme moi, gagner sa vie. J'entrai ensuite chez un jeune ménage qui aurait eu tout pour être heureux, parce qu'ils avaient de l'argent et qu'ils s'aimaient, mais l'enfant qui leur naquit l'année d'après leur mariage se trouva être simple d'esprit. Ils ne perdirent pas courage, il leur vint un second enfant, celui-ci était bossu. À Aix-Nevet, mon patron battait sa femme, je l'entendais crier toute la nuit. Je partis au bout de 8 jours. J'arrivai à Tougue. La vieille qui me prit à son service avait une maladie noire. Elle croyait que ses ennemis la poursuivaient partout. Il y avait 2 serrures à la porte de sa chambre, les fenêtres étaient cadenassées. Elle n'en restait pas moins debout jusqu'au matin, armée d'un vieux fusil de chasse, pour le cas qu'il viendrait, disait-elle, car elle parlait d'eux sans jamais les nommer. Comme il ne venait pas, ce fut moi qu'elle soupçonna. Un soir que je rentrais, je la vis postée devant sa porte. Elle me cria quelque chose. J'étais trop loin pour comprendre, je continuais d'avancer. Il s'en fallut de peu que je ne laissasse ma peau chez elle. Par bonheur, elle ne savait pas viser, et la poudre était éventée. Ah oui, partout de la misère, partout des larmes et des gémissements. Alors, faisant un retour sur moi-même, je me disais que je serais un lâche de me plaindre, puisque le sort ne ménageait personne, et que beaucoup parmi les hommes étaient plus malheureux que moi. N'avais-je pas du moins la santé, la jeunesse, toute une vie encore à vivre, mes deux bras pour travailler? Et je tendais en moi ma volonté, malgré le vide qui m'habitait toujours. D'abord, j'avais souvent regardé vers l'autre rive du lac, où on apercevait par les temps clairs la tache que faisaient les toits de Vernamin. Il me semblait même, des fois, voir briller le coq du clocher. De moins en moins, je regardais vers Vernamin. Je ne voyais plus briller le coq du clocher. C'est à la fin de ma troisième année de Savoie que j'arrivai à Saint-Alban. J'y fis la connaissance de Louis Duborgel. Saint-Alban est un assez petit village d'environ 500 habitants, bâti des deux côtés de la route et un peu au-dessus du lac. Comme je me tenais sur la place, je vis deux hommes qui causaient. L'un avait la figure rasée, l'autre était habillé comme un ouvrier charpentier. J'entre à l'auberge, à peine y étais-je installé que les deux hommes y entrent à leur tour. À cause que je cherchais de nouveau du travail, j'avais fait appeler le patron. À présent, je n'étais plus si timide. J'allais droit aux choses, il le fallait bien. J'avais donc fait appeler le patron, il était venu, il se tenait debout devant moi, qui m'était assis à une des tables, après avoir déposé ma valise sous le banc. J'avais à présent une valise, dont j'avais fait emplette, à tonnons, pendant que j'étais chez le tonnelier. Mais les poignées n'en avaient pas tenu longtemps, et je les avais remplacées par une corde. Je dis au patron, « Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'ouvrage par chez vous ?» À ce moment, l'ouvrier charpentier lève la tête et me regarde. « Quelle espèce d'ouvrage ?» me demande le patron. « N'importe quoi, je fais tout. »« Ma foi, je ne vois rien, ça n'est pas le moment. On était encore en hiver. Et puis ici, vous savez, il n'y a pas tant de ces gros domaines. Les gens font le travail entre eux. » Je m'attendais à sa réponse, c'est pourquoi je n'insistais pas. « Tant pis, j'irai voir plus loin. » L'homme tout rasé cependant venait de sortir, n'ayant fait que vider son verre. L'ouvrier charpentier resta seul, il continuait de se tenir tourné vers moi. Tout à coup je l'entends qui tousse comme on fait quand on se prépare à parler. « Écoutez, me dit-il, il y aurait peut-être moyen de s'arranger. Vous cherchez de l'ouvrage? J'aurai de l'embauche pour vous. Ça vous irait-il, la bâtisse ?» Je lui réponds, « Voyez-vous, j'ai appris à ne pas être difficile. Quoi qu'on m'offre, je dis oui. La bâtisse ou autre chose, c'est toujours autant de trouver. » Il se lève, il prend sa chopine, il vient s'installer à côté de moi. Il faut croire que ma figure lui revenait. « Je serais très content qu'on puisse s'entendre, » recommence-t-il. « Vous avez vu le particulier qui vient de sortir. C'est un ancien valet de chambre. Il était en place à Genève. Son maître est mort l'année dernière en lui léguant 30 000 francs. Avec ce qu'il avait déjà d'économie, le voilà riche. Il se fait construire une maison. C'est moi qui l'a construit. Il me connaissait, il m'a dit, j'ai confiance en vous. Comme il n'est pas pressé, je n'ai pour le moment qu'un aide. Seulement, ça ne va pas vite. Alors, si vous étiez d'accord ? Bien sûr, dis-je, que je suis d'accord. » Il me serra la main. Il ne me reste plus qu'à aller en parler à Ravinet. C'était le nom de l'ancien valet de chambre. Vous comprenez, c'est lui qui paie. Mais je ne pense pas qu'il fasse de difficultés. « Attendez-moi. » Il s'en alla, revint bientôt. « Ça y est, » me dit-il. Il reprit, « Il faut nous entendre. Vous aurez 2,50 francs par jour. Ça vous irait-il ? » Je hochai la tête. « Bon, » dit-il, « quant à la pension, je la prends ici. On y mange bien, vous verrez. Vous pourriez manger avec moi. » Je ne demandais pas mieux. Il eut l'air tout content. Il fit venir un litre. Nous trinquâmes. Les choses, comme on voit, n'avaient pas traîné. N'empêche que je changeais une fois de plus de métier et devins comme lui charpentier et maçon. Car il fallait être l'un et l'autre, puisque nous n'étions que les deux à la construire, la maison, à part cette aide qu'on avait, mais un aide qui comptait à peine, c'était un pauvre idiot qu'on appelait Jaco. La dite maison s'élevait un peu en dehors du village, au bord de la route, dans un verger. S'élever est d'ailleurs une façon de dire, car elle n'en était encore qu'aux fondations, avec seulement le trou creusé et dedans les murs des caves. On y descendait encore au lieu d'y monter. Mais dès le lendemain matin, nous étions tous trois à l'ouvrage. On travaillait de 6 heures à midi et de 1 à 7. On n'avait pas encore la journée de 8 heures. Jaco brassait le mortier, moi je taillais la pierre, Duborgel assemblait. De la belle pierre du lac, que des barques aux grandes voiles amenaient de Maillerie. Elles étaient forcées d'aborder à Nernier, mais un homme du village s'était chargé des charrois. Il y en avait tout un tas au bord de la route, et sous mon marteau, les blocs éclataient, montrant leur arête vive. On ne se foulait pas d'ailleurs, comme disait Duborgel. Ce n'était que quand Ravinet survenait qu'on se dépêchait un peu plus. Il arrivait tous les jours à la même heure, et les mains dans ses poches, il nous regardait travailler. Gros, ventru, avec des mains blanches, des poils noirs lui sortaient du nez. Il me dégoûtait bien un peu, mais on était forcé de lui obéir tout de même, puisque c'était lui qui payait. Aussi longtemps qu'il était là, on mettait donc les bouchées doubles. On se rattrapait dès qu'il avait tourné le dos. « Viens-tu ? » me disait Duborgel. On s'était vite tutoyé. On se couchait sous un pommier, l'herbe repoussait, il faisait bon tiède. Quelquefois, un oiseau montait très haut dans l'air avec des cris, puis retombait. L'alouette était sortie de son petit tombeau de l'hiver, et aussi les papillons jaunes. Ça sentait partout le pain frais. Je me tournais du côté du lac, redevenu bleu. Mais tout de suite Duborgel se remettait à ses vieilles histoires. Il n'aimait rien autant qu'à parler. Il avait les yeux clairs, la moustache tombante, et des cheveux blonds, assez longs, qu'il repoussait tout le temps de la main. Je l'écoutais sans rien dire, c'était bien ce qu'il lui fallait. Peu à peu il s'animait, il haussait la voix, il faisait des gestes, et pendant ce temps sur la route, Jaco jetait des pierres aux moineaux. « Je te le répète, » disait Duborgel, « le monde est mal fait. Il faudrait le recommencer, le monde. Il faudrait le foutre bas comme une maison où il y a eu des maladies, sans quoi tous ceux qui y entrent deviennent malades à leur tour. Tu ne veux pas me croire, regarde ce qui m'est arrivé. » Il parlait bien, Duborgel, il le savait même un peu trop, mais on sentait à son accent qu'il croyait à ce qu'il disait. Quand mon père est mort, j'avais 16 ans. Nous n'étions pas riches, on avait juste de quoi tourner. Nous n'en demandions pas plus. On se disait, on est prêt à se donner du mal pourvu qu'on arrive à vivre. N'est-ce pas, on était les deux, ma mère et moi, et on s'appuyait l'un sur l'autre. Tout alla bien pendant un temps, même que j'avais pu acheter une chèvre. Mais un soir que je rentrais souper, je vois ma mère toute triste. Elle va prendre sur le foyer la marmite de pommes de terre, elle la pose sur la table. Tout à coup, je n'entends plus rien, je me retourne. Je la vois, qui pleurait, debout au milieu de la cuisine. Je lui dis, « Qu'est-ce que tu as ?»« Rien, » qu'elle me dit. Je lui dis, « Je veux savoir ce que tu as, viens ici, regarde-moi bien. » Je vais à elle, je la prends par les épaules, alors elle baisse les yeux. « C'est Monsieur de la Créta qui est venu. Qu'est-ce qu'il te voulait ?»« Il est venu nous redemander l'argent qu'il nous a prêté. C'était une dette qui nous venait de mon père. » Puisqu'on lui paie régulièrement ses intérêts. Ça ne fait rien. Il dit qu'il a besoin de la somme. Elle s'était remise à pleurer. Il a dit qu'il avait besoin de la somme. Mais moi, je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas la lui rendre parce que nous ne l'avions pas. Alors il m'a dit qu'il avait moyen de tout arranger. Il m'a dit qu'il avait envie du prêt de l'arrêt parce qu'il touchait le sien et que nous n'avions qu'à le lui céder, en échange de quoi il nous tiendrait quitte de notre dette. Je criais « Jamais de la vie !» Il faut comprendre que ce prêt de l'arrêt était notre meilleur prêt, et même notre seul bon prêt. En outre, il valait au moins 3 000 francs, quand nous n'en devions que 2 000. La mère pleurait de plus en plus fort, elle ne pouvait plus parler. C'est bien ce que j'ai cherché à lui faire comprendre, mais il m'a dit, comme ça, qu'il nous avait rendu service en nous prêtant de l'argent. Elle se mouchait, elle toussait. Alors, si nous n'y consentions pas, il saurait bien nous y forcer. Il m'a dit comme ça qu'il nous ferait saisir, si nous ne remboursions pas la somme, et qu'il voulait ce prêt et pas un autre, et que personne ne nous l'achèterait que lui. Je lui dis, attends seulement. Une idée m'était venue. Il y avait au village un vieux curé que j'aimais bien, parce qu'il s'était toujours occupé de moi, et j'avais été son enfant de cœur. Je me disais, à nous deux, ma mère et moi, nous ne pourrons rien contre ce voleur, parce qu'il est plus fort que nous. Mais si monsieur le sage s'en mêle, l'autre finira bien par entendre raison. Je vais donc trouver le curé. Il venait de sortir de table, c'était en hiver, il faisait froid. mais un bon feu brûlait dans son bureau. Il était assis les pieds au feu dans son bureau, en train de boire son café. Il y avait un tapis, des fauteuils et des grands rideaux aux fenêtres. « Tiens, Louis, me dit-il, quel bon vent t'amène !» Et avant que j'eusse eu le temps de lui répondre, « Viens vite t'asseoir au chaud, mon enfant, tu m'expliqueras cela. » Il me regardait en souriant de derrière ses lunettes. Sa grosse figure rouge tout entière semblait dire « Je suis content de te voir. » Alors, n'est-ce pas, tout encouragé, je m'étais assis. Je commence. « Voyez-vous, monsieur le curé, si je suis venu, c'est que j'ai un grand service à vous demander. »« Tant que tu voudras, mon enfant, tu sais que je serai toujours heureux de t'être utile. » Tout allait bien, il avait croisé les mains sur son ventre, et moi, cherchant mes mots, difficilement tout d'abord, mais avec plus de fermeté à mesure que j'avançais, je lui raconte mon histoire. Elle était un peu longue, c'est ce qui expliquait qu'il me laissa parler. Il ne m'avait pas encore interrompu une seule fois. Je ne voyais toujours pas ses yeux qu'il tenait baissés, et puis il y avait ses lunettes. Moi, j'allais toujours, il ne bougeait toujours pas. C'est ainsi que j'arrive enfin où je voulais en arriver. Alors comme ça, j'ai pensé que peut-être vous consentiriez à aller voir M. de la Créta, et vous lui expliqueriez la chose. Ça nous rendrait bien service à maman et à moi. On est trop pauvres, il est trop riche. Mais vous, je m'embrouillais un peu, il vous écouterait, il verrait que ce n'est pas juste. Je m'arrêtais tout à fait. Sans que je susse bien pourquoi, je me sentais à présent tout intimidé. Il y eut un grand moment de silence. Je n'osais plus regarder M. le sage. Il le fallut bien, pourtant, parce qu'il se taisait toujours. Et je vois qu'il n'avait pas changé d'attitude. Seulement, il baissait de plus en plus la tête. Et de plus en plus, ses yeux m'échappaient. Alors, il bouge un petit peu, ses mains grasses. Il étend légèrement la jambe. Et considérant le bout de son pied, « Mon enfant !» « As-tu oublié la parole de notre Seigneur que tu as apprise au catéchisme ? Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et comme je ne répondais pas, mais vois-tu, j'avais le souffle coupé. Si tu t'en étais souvenu, je crois, mon cher enfant, que tu ne te serais pas adressé à moi. Je suis ministre de Dieu, non de César. « Tu entends bien, Belet. Ce de la Créta était trop riche. Les riches se soutiennent entre eux. » Il nous a fallu vendre notre prêt, Belet. Nous l'avons vendu 2 000 francs, alors qu'il en valait 3 000. Et encore, cet argent, nous ne l'avons pas eu, puisque nous le devions. Il nous a fallu vendre notre prêt. Et moi, il m'a fallu partir, parce qu'en louant le reste du bien, ma mère avait encore de quoi vivre, tandis que si j'étais restée avec elle, elle n'aurait pas eu de quoi. J'ai couru le monde. Elle est morte pendant que j'étais loin. Elle est morte, une nuit, sans personne près d'elle. Le lendemain matin, on a bien vu que sa porte restait fermée, mais on ne s'en était point étonné, parce qu'elle était devenue sauvage depuis ses malheurs. Toute la journée, sa porte est restée fermée. Le soir, les gens, comme d'ordinaire, sont venus causer sur la place, devant sa porte. Personne ne s'est inquiété d'elle. C'est seulement le jour suivant qu'une voisine a été chercher le maréchal. On a crocheté la serrure. La chambre était pleine de mouches. « Et tu voudrais que je trouve le monde bien fait ? Dis-moi que tu es d'avis, Belet, que les choses sont à leur place. Tu es content de ce que tu vois ?» Il continuait de parler. Moi, je continuais à regarder vers le lac. Une barque à pierre, justement, passait, avec ses 2 voiles pointues, et Jaco éclatait de rire parce qu'un de ses cailloux venait de porter. Il nous fallut toute une année avant que la maison fût sous toit. Alors nous nous mîmes à la charpente, et Duborgel put reprendre son vrai métier, qui était nouveau pour moi. J'en avais déjà tellement fait, et de toute espèce, que je ne regardais pas à un de plus. On était bien soignés à l'auberge, la nourriture nous convenait, une forte soupe à midi, une forte soupe le soir, de la viande, des légumes et du pain à discrétion. La patronne faisait la cuisine elle-même, et elle s'y entendait, ayant été cuisinière à la ville. On mangeait dans un coin de la salle à bois. Le patron avait 2 chiens de chasse qui venaient s'asseoir à côté de nous. Il y avait aussi 2 ou 3 chats, car dans cette maison, contrairement au proverbe, chiens et chats vivaient en bonne amitié. Le bon Faro posait sa tête sur ma cuisse et suivait de l'œil tous mes mouvements. Des mouches et des guêpes tournaient autour de nous qu'on chassait avec des serviettes. Quelquefois, Faro, las d'attendre un os qui ne venait pas, leur faisait la chasse, refermant sa gueule qui claquait à vide car il commençait à se faire vieux. La servante se nommait Céline. C'était une gentille fille, mince, petite, fine, Avec des beaux yeux noirs, elle montrait beaucoup de réserve. Elle avait des tout petits pieds et des toutes petites mains. Duborgel la plaisantait volontiers, moi j'étais devenu prudent. Mais enfin, j'avais du plaisir à la voir me sourire, apportant un grand plat de choux ou une assiette de ses pommes de terre frites, comme on ne sait les faire qu'en France. Nous étions seuls pensionnaires, il n'y avait à part nous que des clients de passage, commis voyageurs, colporteurs, et on n'en voyait pas souvent. On pouvait causer à son aise, Duborgel n'y manquait pas. Il avait la manie d'accrocher à tous des discours. De l'autre côté de la place, on voyait une maison un peu plus grande que les autres, plus soignée, l'air plus neuf aussi, peinte en bleu, avec des encadrements blancs aux fenêtres et à la porte. Mais elle se distinguait surtout par une belle poignée de sonnettes en cuivre qui brillait dans le soleil. Il me la montrait en faisant le point. C'est que là habitaient deux vieux qui étaient un peu les de la Créta, de l'endroit. Ils ne sortaient presque jamais, ils passaient pour être très riches, on les savait durs pour le pauvre monde. « À quoi est-ce qu'ils servent ?» me disait Duborgel. « Penses-tu qu'ils soient utiles à quelqu'un ? Penses-tu qu'ils donnent ce qu'ils ont de trop à ceux qui n'ont rien ? Pas de risque, ils cachent leur or. Et tu voudrais que je les aime quand leur vie se passe à compter leur or et ils le couvent comme des œufs ? Ils couchent sur leur or, je te dis, en attendant qu'un jour ils crèvent, mais ils ne pensent pas si loin. » Il m'avait pris par le bras. « Regarde !» C'était le soir, à l'heure où le soleil se couche. Le vieux et la vieille sortaient de chez eux. L'homme tenait une perche. Il la leva et il fouillait entre les poutres de l'avant-toit. On ne comprenait pas tout de suite. Mais un premier nid tomba, puis un autre, et une quantité de moineaux et de hoche-queues, déjà installés pour la nuit, s'envolaient avec des petits cris dans l'ombre, tournant autour de la maison. « Cochon !» reprit Duborgel. « Tu vois, même les oiseaux, ça leur coûte trop cher, peut-être. » Cependant, la vieille surveillait l'ouvrage, et quand il y avait un coin où son mari avait oublié de passer, elle le lui montrait du doigt. Lui, alors, sur ses jambes molles, des pantoufles brodées aux pieds, une casquette sur la tête, s'avançait à petits pas, et de nouveau sa perche allait et venait sous l'avant-toit. Deux ou trois fois par semaine, aussi longtemps que durait la belle saison, la même scène se répétait. Ils avaient peur des saletés, sans doute. Chaque fois, Duborgel se mettait en colère. « Cochon ! Cochon » répétait-il à demi-voix. Il n'osait pas exprimer son opinion tout haut, parce que, à la tombée de la nuit, l'auberge, presque vide pendant le reste de la journée, se remplissait de monde. Et Duborgel n'était pas très bien vu. On avait peur de ses idées. Il ne pensait pas comme le commun. Cela déjà aurait suffi. Mais il s'y ajoutait qu'il était sévère dans les jugements qu'il portait sur les habitants du village. « C'est des paysans, » me répétait-il. « Ça ne pense qu'à soi. Ça n'est attaché qu'à la matière. Ils vous verraient crever à côté d'eux qu'ils ne feraient pas un mouvement. » Il ne fallait donc pas s'étonner si on le tenait à l'écart. Et moi aussi, on me tenait à l'écart, simplement parce qu'on me voyait toujours avec Duborgel, quand même on n'aurait pas eu peut-être les mêmes raisons de m'en vouloir. Aussi, ne nous attardions-nous pas à l'auberge. Nous allions nous coucher de bonne heure. On partageait une grande chambre qui était située au-dessus de la remise. Là, Duborgel pouvait parler tout à son aise, tandis que par moments, de la salle d'en bas, venaient des bruits de voix et des éclats de rire. Au-dessous de nous, dans la remise, on entendait miauler un petit chat. Nous allumions la bougie et nous rions de voir, sur le mur passé à la chaux, nos deux ombres se déplacer. On avait des têtes énormes, des dos bossus, des mains sans doigts. Nous continuions de causer. J'avais fini par raconter, moi aussi, mon histoire à Duborgel. Il se trouva qu'elle ressemblait à la sienne. Cela nous avait rapprochés encore. On était maintenant tout à fait bons amis. Au milieu de l'été, on cloua le sapin. On avait été le couper un dimanche dans les bois. Céline nous avait aidés à le garnir de roses en papier et de bouts de ruban. Il était joli comme tout quand on le monta sur le toit. Il y eut une petite fête. Ravinet nous paya à boire. Là-dessus arrivèrent les couvreurs. Le menuisier apporta les croisées et les portes. Il ne nous restait plus qu'à crépir la façade et qu'à peindre l'intérieur, ce qui prit encore un hiver. Puis la dureté de l'air s'amollit. Une fois de plus, les oiseaux chantèrent et nos pots de peinture se trouvèrent mis de côté. Ravinet nous demanda de l'aider à faire le jardin. On l'aida à faire le jardin. Il fallut aller chercher de la bonne terre au village. On l'amenait dans des brouettes. Ensuite, il y eut le fumier. On était en avril quand nous eûmes fini. Un matin, Duborgel me demanda « À présent, qu'est-ce qu'on va faire ?» C'était bien à quoi j'avais pensé, moi aussi, mais sans m'être décidé à rien. Il me fallait pourtant répondre, je lui dis « Je vais aller chercher de l'embauche ailleurs. » Comme nous avions maintenant toute notre journée à nous, nous n'avions pas quitté la table où nous venions de déjeuner. L'auberge, d'ailleurs, était vide. On regardait passer les gens sur la place. Ils allaient faucher parce qu'il commençait à y avoir de l'herbe dans les endroits bien exposés. On vit venir la sœur de l'école avec sa robe bleue et sa cornette blanche. Elle tenait les yeux baissés. L'école se trouvait à l'autre bout du village. Il y avait dans le jardin une chapelle avec une statue de la Vierge, entièrement peinte et habillée d'une vraie robe, devant laquelle les petites filles allaient prier pendant les récréations. On voyait ces choses, on voyait le ciel. Il faisait beau, je me rappelle, avec les toits un peu gris dans le soleil, mais la place toute blanche. Un homme était occupé à réparer sa herse, tapant sur les dents à coups de marteau. « Où est-ce que tu iras chercher de l'embauche ?» À ce moment, le vieux de la maison d'en face sortit de chez lui. Il avait l'air inquiet, on était autant dénichés. « Je n'en sais rien trop. » Tout à coup, Duborgel tapa du poing sur la table. « Écoute, Belay. » J'écoutais assez. Pourtant, il recommença. « Écoute, Belay. » Il donna un second coup de poing sur la table. « Ça ne te dégoûte pas d'être ici ?» J'aurais dû répondre non. Je dis « Oh oui, bien sûr. »« Ah bon, tu m'avais fait peur. Tu m'avais l'air terriblement mou. » « Moi, vois-tu, il me suffit de regarder ce bougre-là. » Il me montrait le vieux, pour avoir mal au cœur. « J'étouffe ici. Il me faut le grand air. Alors écoute, veux-tu qu'on parte ensemble ? Tu sais assez ton métier à présent pour pouvoir t'engager partout. On s'engagera ensemble. Quand on est deux, on s'ennuie moins. Et où est-ce que tu veux aller ? Le plus loin possible. Plus ce sera loin, et mieux ça vaudra. À Genève ? Tu es fou, me dit-il. Genève, qui est à 2 heures d'ici ? Et où alors ? Il me dit, vois-tu, j'ai un projet. Il y a longtemps que j'y pense. Depuis 2 ans que je travaille, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. Même si on ne trouvait pas d'ouvrage en route, on aurait de quoi vivre. Je voudrais aller à Paris. À Paris ? Je commençais à avoir peur. Parfaitement, me dit-il, à Paris. On y gagne facilement sa vie quand on a un métier, et au moins on y serait libre. On y pense ce qu'on veut. J'ai mes idées, j'y tiens. Tant pis si elles ne sont pas celles des autres. Je veux vivre comme je l'entends. On fera tranquillement le voyage, on aura la saison pour nous. Tu es d'accord ? Je n'étais pas du tout d'accord. L'idée d'aller si loin m'effrayait. C'est que c'est bien loin. Bien loin, pas tellement. En se dépêchant, 25 jours de marche. Et puis, on pourrait prendre le train quand on en aurait assez de marché. Je répétais, 25 jours de marche ? Il me dit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu ne penses pas à la grandeur du monde ? Si je te disais de partir avec moi pour l'Amérique, à la rigueur, je comprendrais. Mais pour Paris, tu ne veux pourtant pas moisir ici toute ta vie. Qu'est-ce qui t'y retient ? Oh, rien, dis-je. Je mentais un peu. Eh bien alors ? Il recommença de parler, me montrant tous les avantages de notre situation là-bas. Mieux payé, les journées moins longues, des camarades intelligents. Il ajouta que puisqu'on s'entendait, ce serait dommage de se quitter. Que ça le connaissait, les voyages, qu'il en avait déjà vu du pays, que rien ne faisait plus de bien, et moi alors, à l'entendre parler ainsi, un goût d'aventure me venait. Mais en même temps, je pensais qu'à chaque pas que je ferais, je m'éloignerais davantage de tant de choses qui m'étaient chères, et je ne verrais plus l'autre côté du lac. C'est pourquoi j'hésitais encore. Duborgel parlait toujours. Il y eut ensuite un moment de silence, parce que je réfléchissais. Il me semblait que je tirais en moi sur une corde déjà mince et usée. Elle cassa tout à coup. Je levai ma main à la hauteur de ma figure, je la laissai retomber, il comprit. Il me dit « Tu as bien raison, Belay. » Il me tendit la main. « Faisons amitié, veux-tu ? Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de ces choses. Mais puisqu'on va tenter la chance, il faut se sentir soutenu. Toi surtout qui es le plus jeune. Eh bien, on va se jurer de ne plus se quitter. » Et quoi qu'il arrive, on pourra compter l'un sur l'autre. Est-ce dit ? C'est dit. On se serra de nouveau la main. À ce moment, Céline parut, portant une pile d'assiettes. Duborgel se tourna vers elle. « Tu ne sais pas, Céline, on s'en va. »« Comment ça, vous vous en allez ?»« On s'en va, Céline, on part pour Paris. » Elle avait ce matin-là mal aux dents, à cause de quoi elle s'était nouée un mouchoir autour du menton. Une de ses joues était toute rouge. Elle posa sa pile d'assiettes sur la table et elle dit « Est-ce possible ?»« C'est tellement possible, » dit Dubourgel, « qu'il te faut aller tout de suite prévenir le patron. »« Il est à la charrue. »« Eh bien, tu iras le chercher. »